Ce vendredi, à La Vie en BD, on parle avec Francis Desharnais de Croquis de danse et de Filles indignes. On parle avec Alain Dufour de Haïku en BD et les commentaires BD de Marco Duchesne. Bon vendredi à tous et à toutes, Raymond Poirier au micro, avec vous jusqu'à 18h30 pour parler bande dessinée. Vous écoutez La Vie en BD sur les ondes du 89.1 CKRL. Et ben, comme on le dit, une belle émission, bien remplie, bien chargée, avec plusieurs regards sur la bande dessinée sous différentes formes, notamment le croquis, à saveur un peu documentaire, documenter les événements des productions culturelles. Donc Francis Desharnais sera avec nous dans quelques instants pour en parler en lien avec une exposition qu'il présente du côté du théâtre Périscope. Et également, on en profitera pour jaser aussi de son dernier né, le tome 2 des Chroniques d'une fille indigne qu'il tient avec la scénariste Caroline Allard. Également, en deuxième moitié d'émission, on va parler à Alain Dufour qui, au début de l'année, a offert du côté de Moelle Graphique un album de haïku illustré qui s'appelle La Fleur de Poésie et qui tout récemment vient de tomber dans l'autofiction et l'autobiographique avec ses carnets de vacances. Alors encore là, double programme de son côté également. Alors ce sera tout au fil de l'émission. En matière d'actualité, cette semaine, ben, comme à l'habitude, des semaines quand même assez fastes. Et notamment, ben, il y avait les prix jeunesse des libraires du Québec qui ont été dévoilés. Ça s'est dévoilé donc mercredi 30 septembre dernier. Une célébration qui est coordonnée par l'Association des libraires du Québec qui vise à mettre en lumière, depuis maintenant 5 ans d'ailleurs, la qualité et l'originalité de livres pour enfants et adolescents. Évidemment, on les mentionne parce que dans le cas des livres tout particulièrement pour enfants, ben, c'est habituellement illustré. Et notamment, on parle chez les 0-5 ans de La Petite Truie, Le Vélo et la Lune de Pierrette Dubé et Orbi, qui a été couronné lauréat. Ça, c'est chez les 400 coups. De 6 à 11 ans, c'est le livre L'Arbre à gants de Jacques Goldstein à la Pastèque qui a remporté les honneurs. Et pour les 12 à 17 ans, une publication d'Élise Gravel chez Scholastique, Jesse Elliott a peur de son ombre. Et chez les lauréats hors Québec, pour les 0-5 ans, c'est Ce n'est pas une bonne idée de Mo Williams chez Kaleidoscope. Les 6 à 11 ans, c'est Rébellion chez Les Crayons de Drew DeWalt et Oliver Jeffers, également chez Kaleidoscope. Et enfin, chez les 12-17 ans, c'est La Vie par 7 de Holly Goldberg Sloan chez Gallimard. On mentionne également, dans une plus triste note, le décès de Liliane Funken. Elle fut l'une des premières femmes créatrices de bande dessinée avec son mari Fred Funken, l'un des auteurs emblématiques du journal de Tintin. Alors, la dessinatrice et scénariste belge est décédée le 26 septembre dernier à Bruxelles à l'âge de 88 ans. On leur doit notamment Les Aventures du Cheval Cavalier Blanc, publié dans le journal de Tintin à partir de 1953, ou encore Harald le Viking, Jack Diamond, Doc Silver et Les Saint-Preux, publiés chez le Lombard. Et dernier clin d'œil, l'éditeur DC Comics est en pleine restructuration éditoriale. Plusieurs séries qui ont été annulées après un manque à gagner de 2 millions de dollars dans les prévisions budgétaires de l'exercice 2014-2015. Alors, 5 séries vont faire les frais de la restructuration. On parle de Justice League United, The Omega Men, Lobo, Gotham by Midnight, Doomed et DCU, la nouvelle gamme DC, après 6 numéros. 3 autres titres également vont être annulés. On parle de la série Vintage Pop Batman 66, la série Sensation Comics featuring Wonder Woman et également Green Lantern The Lost Army qui vont se terminer. Ah ben voilà, donc pour ces quelques petits clins d'œil, toujours ici sur les ondes de La Vie en BD à CKRL, et on passe en musique maintenant avec la formation qui nous accompagnera tout au fil de cette émission. Il s'agit de Moonlight Sympathy, un album de Xynon qui est disponible sur l'étiquette 8-Bit People. We'll be right back. Et voilà, court extrait. Et j'en profite également pour vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur Facebook, facebook.com/ La vie en BD. Avec nous présentement en studio, l'auteur BD Francis Dernay. Bonjour. Bonjour. Francis, on le disait d'entrée de jeu, programme double de ton côté pour cette entrevue et pour le début d'octobre, puisque jusqu'au 11, tu présentes une exposition de tes croquis que tu as réalisés au fil des spectacles de la Rotonde. C'est dans le foyer du théâtre Périscope, accessible sur les heures d'ouverture du théâtre. Et en parallèle, tu as lancé aussi tout récemment le deuxième tome de Chronique d'une fille indigne, réalisé une nouvelle fois aux côtés de Caroline Allard. Alors peut-être on pourrait commencer par l'exposition elle-même, puisque pour ceux qui suivent un peu sur les médias sociaux, qui suivent également du côté de la Rotonde, tu donnes depuis un bon bout de temps déjà dans le croquis en format événementiel, tout particulièrement pour les événements culturels. Si on l'a échappé, ben tout le monde l'a rattrapé cet été avec la planche autour justement du concert de Dave Grohl et les Foo Fighters, voilà, qui a été fort médiatisé. Alors peut-être, question de base, là, qu'est-ce qui t'attire dans ce genre de mandat-là? En fait, c'est le fait de réaliser des dessins presque instantanément. Je pense que c'est le côté limite, j'aurais envie de dire, photographique de l'exercice qui me stimule beaucoup. Quand je suis à un spectacle puis que j'ai à faire des dessins, je suis comme hyper éveillé, hyper concentré aussi sur ce qui se passe, et en même temps j'essaie d'être concentré sur le dessin, donc ça fait une écoute très active, je dirais. Même quand j'ai décidé d'arrêter pour le festival d'été, puis je me suis mis à aller voir des choses sans dessiner, je trouvais ça un peu plus plate parce que je trouvais qu'il me manquait de quoi, là, tu sais. Oui, une dimension de justification, un objectif additionnel autre que le plaisir, dans le fond. Oui, c'est ça, d'assister au show. Puis en même temps, c'est que moi, quand on regarde mes bandes dessinées, comme par exemple, on va parler de Fille Indigne, c'est quand même assez presque léché, dans la mesure où c'est des lignes, c'est très ligne claire ce que je fais, tu sais. Il y a pas beaucoup de trucs qui dépassent, puis c'est des formes géométriques beaucoup, puis bon. Alors que dans le croquis, ça me permet d'avoir un dessin plus spontané, plus lâché, même carrément imparfait, carrément pas fini non plus, tu sais. Puis c'est ça que j'aime, tu sais, quand je regarde certains dessins puis je me dis, oh wow, tu sais, en 4 secondes j'ai réussi à attraper une posture, à attraper un mouvement, puis à le rendre de façon intelligible, avec le côté l'imperfection amène quelque chose de très expressif, je dirais. Fait que c'est ça qui me plaît beaucoup dans cet exercice-là. Oui, enfin, on y va avec un minimum de détails, si on peut dire, même à la limite, un crayon qui est quand même assez gras pour le genre d'exercice de croquis, un peu dans l'objectif de limiter d'aller chercher le plus facilement la ligne expressive, une ligne qui a de la personnalité. C'est ça. Puis c'est vrai que j'utilise une espèce de... ce qu'on appelle un pentel, c'est-à-dire un crayon pinceau avec des cartouches d'encre. Quand j'utilise ça puis que je fais un trait, tout de suite le pinceau il me donne de l'expressivité. Donc si j'arrive à aller chercher le mouvement qu'il faut, ça donne un résultat qui est justement très expressif. Puis c'est ça que j'avais envie de sortir un peu d'Internet, parce que tous les croquis que j'ai fait jusqu'à maintenant sont disponibles sur Internet, mais souvent c'est que je prends mettons une vingtaine de croquis ou une quinzaine, je fais un montage puis je mets ça sur un blog. Là je me disais, ah, c'est quand même dommage, parce qu'il y en a qu'on perd un peu dans la masse. Fait que j'avais le goût d'en extraire, et puis de les mettre en valeur et de leur donner un peu plus de place, si on veut. Oui, parce que dans une certaine mesure, ces croquis-là individuellement racontent toute une histoire, c'est tout le flash d'un moment que tu as vécu, que tu as essayé de rendre. Puis en même temps, on parle de croquis de danse, donc il y a toute une dynamique de mouvement, de dynamique aussi qui est particulière, qui ressort de ça. Oui, exactement, tout à fait. Donc, j'ai réussi à extraire une 13 de ces croquis-là, de mes préférés, que j'ai numérisé, que j'ai agrandi, puis que j'ai fait sortir sur un beau papier, là, genre papier arche, papier aquarelle. Puis un coup encadré, ça leur donne... on sent plus le moment qu'il y avait à ce moment-là. Oui, parce que je pense, dans une entrevue d'ailleurs, j'ai vu que tu disais l'objectif, c'est pas justement de représenter à l'identique ce que tu as vu, mais vraiment de capter un moment, justement, c'est un instantané. Là. Oui, c'est ça. Moi, je dis souvent à la blague que le croquis, c'est plus fort que la photo, mais dans la mesure où le fait de quand on capte ces moments-là, qu'on arrive à les transposer avec, justement, toute cette imperfection-là, il y a comme... je sais pas, il y a de quoi que la photo, j'aurais envie de dire, ne donne plus parce qu'on en voit tellement des photos que de voir un événement transposé en dessin comme ça, de façon aussi brute, ben, je trouve que ça lui ajoute, ça lui donne la vie en plus, tu sais. Oui, puis ça doit être intéressant comme dynamique aussi, dans mesure où, j'imagine, si tu le reçois avec ton filtre, tu l'interprètes à travers ton filtre, à travers la façon dont tu as reçu ce moment-là, et les gens voient les croquis soit après, soit avant d'aller voir les spectacles aussi à la Rotonde. Après ça, vont vivre eux-mêmes ces moments-là que toi, tu as documenté. Est-ce qu'il y a des dialogues aussi, à la limite, qui peuvent s'installer entre spectateurs à travers ça, justement, à travers cette dynamique de perception-là? Ça m'intrigue toujours à chaque fois que... Le lendemain d'un spectacle, quand que ce soit pour la Rotonde ou même avant au Festival d'été, quand je poste ces croquis-là, les gens, ils me disent tous « Ah oui, je me rappelle de ça, de ça, de ça », tu sais. Donc, c'est comme si ça vient chercher vraiment la mémoire presque émotive des gens, tu sais. C'est que j'arrive à aller chercher des moments du spectacle assez précis, mais qui peuvent avoir marqué d'autres personnes, tu sais. Donc le fait que les gens s'en rappellent, pour moi, c'est quand même un signe d'une mission accomplie, là. Puis tu parlais tout à l'heure, Francis Desharnais, d'une écoute quand même assez active, assez particulière aussi quand tu y vas là avec ce type de mandat-là. Comment justement on se prépare pour réussir à dessiner quelque chose qui est esthétiquement quand même qui marche, qui est beau, mais en même temps de pas rater non plus le spectacle parce qu'on est concentré sur la feuille. Donc j'imagine ça doit être un défi quand même assez important. Oui, c'est sûr. Puis les spectacles de danse, c'est particulièrement difficile parce que ça bouge tout le temps, par définition, j'aurais envie de dire. Donc, des fois, tu vois des super beaux moments, tu vois des espèces de positions incroyables que tu dis « Ah, j'aimerais ça faire un dessin de ça là », mais là, il est comme trop tard parce que tu l'as raté, tu sais. Donc, l'idée, c'est de dessiner. Je dessine presque tout le temps pendant le spectacle. Ce qui fait que c'est pas tout que je présente. Il y a beaucoup d'affaires qui sont ratées. En particulier, les premiers sont toujours... sont jamais, ils franchissent jamais le pas de mon carnet. Mais petit à petit, à un moment donné, oups, OK, là, j'en réussis un. Puis, probablement aussi que le fait que le spectacle avance, que moi, je m'imprègne plus du spectacle. Puis, bon, il y a quand même des grands moments où je vais écouter le spectacle, où justement, je veux pas trop en perdre parce que je fais que dessiner. C'est une espèce d'équilibre que j'essaye de trouver, mais en général, ça va assez bien, je te dirais. Oui, puis en fait, j'imagine qu'à force d'en faire aussi, reste que tu commences à maîtriser l'approche, à maîtriser la technique pour réussir à rendre puis à vivre en même temps, justement. Oui, mais je trouve ça de plus en plus difficile. Ah oui? Curieusement, je sais pas. La dernière année a été plus... ça a été plus ardu parce que... Peut-être parce que mes standards de qualité augmentent aussi. Le fait que je veux pas rater les spectacles non plus. Les derniers shows, là, je les ai trouvés plus... plus difficile. Ça a donné des bons résultats. Ceci dit, ça donne des bons résultats. Mais c'est une des raisons aussi que cette année, ma collaboration avec la Rotonde va changer. Ça sera pas des... à moins que ça plaise vraiment pas aux gens, ça va plutôt être de courtes bandes dessinées sur le thème de la danse contemporaine. Donc, il y aura pas de carnet de croquis comme tel, à proprement dit. Bon, peut-être que j'en ferai à l'occasion pour le plaisir, là, mais pour l'instant, on essaie quelque chose d'autre. Oui, mais en fait, comme tu disais, si on fait ça aussi pour l'entraînement, pour faire différent, ben donc on passe d'une routine puis on crée une nouvelle routine. Ouais, ben c'est ça. Ça reste aussi l'objectif de se mettre de se challenger, si tu me permets l'anglicisme, dans le fond. Oui, ben tout à fait. Puis moi, ça me donne l'occasion. Je veux essayer de rendre mon dessin. Ça fait longtemps que je veux essayer de rendre mon dessin plus proche de mes croquis, donc plus vif et plus spontané un peu. Puis là, je veux m'essayer. Là, ça va être un peu une planche d'expérimentation. Oui, parce que d'une certaine façon, quand on regarde ton dessin plus géométrique, pour prendre le terme que tu prenais, ça se passe bien dans un contexte humoristique. Mais j'imagine que si tu cherchais à développer une BD peut-être un peu plus réaliste, mais probablement qu'il faudrait que ton dessin prenne, sans nécessairement que tu dessines réaliste, mais prenne un peu justement du galon, en se rapprochant un peu de ce que tu fais côté croquis, justement le réalisme de tes croquis pour un sujet plus peut-être réaliste, plus personnel et autres. Oui, ben tout à fait, exactement. J'ai un projet là qui s'en vient, que je commence à travailler dessus, en fait. Donc, je sais pas quand est-ce que ça va, si ça va aboutir. Mais que là, j'ai besoin d'un dessin un peu plus, justement, comme tu disais, réaliste. j'aurais envie de dire peut-être plus spontané, moins géométrique, mais c'est ça, d'avoir un dessin avec des meilleures proportions, on va dire ça comme ça, et avec qu'on sente quand même que qu'il y a une certaine spontanéité dans le trait. Donc c'est vers ça là que j'essaie de me diriger là mon prochain défi là pour les prochains mois, ça va être de travailler pas mal là-dessus. Dans un contexte où quand même il faut le dire, ton dessin minimaliste est certes minimaliste, mais aussi j'ai l'impression que c'est une approche qui force à l'efficacité dans le fond, économie de ligne, on le vit, économie de cases dans un cas comme la guerre des arts. Donc d'une certaine façon, ça reste aussi une pratique de dire bon, ok, comment je rentabilise au maximum ce que j'offre pour que chaque case, chaque planche, ça fonctionne, ça avance, ça parle. Oui, ben c'était ça le but, tu sais. Une des choses que j'ai éliminées d'emblée, c'était les nez, parce que pour moi, un nez, ça exprime rien. Donc, pour faire de la comédie, j'avais pas tant besoin de ça. Fait que pour ça, tous mes bonhommes ont pas de nez. Là, je vais commencer à en faire. Là. Si je veux faire plus proportionnel, plus réaliste, je vais mettre des nez. Tu sais. Mais outre ça, qui est assez anecdotique, ben c'est vrai que le style que j'ai développé depuis Burkett, ben c'est un style qui m'a très très bien servi pour de la comédie, tu sais. C'est ça, c'est juste que là j'ai envie d'essayer autre chose. Oui, ben on apprend tout le temps de toute façon, je pense que c'est ça le plaisir aussi de la chose. Ben tout à fait, puis tu sais, je dirais pas que j'ai fait le tour du jardin, mais en même temps, je me rends compte que ben là ça va bien, tu sais, c'est relativement facile pour moi de faire ça. Donc, ben, c'est ça, aussi, ben, c'est autre chose, tu sais. Oui, puis en même temps, j'ai l'impression, j'ai regardé un peu ton parcours en préparant l'entrevue, puis, bon, t'as commencé comme auteur et dessinateur, scénariste-dessinateur, t'as travaillé comme scénariste, et si je me trompe pas, avec Finding, c'était un peu une première expérience comme dessinateur, et que c'est pas toi qui faisais le scénario aussi? Oui, aussi, sauf que ce que j'aimais bien avec cette collaboration-là, c'est que Caroline me laisse tout à fait carte blanche pour ce qui est de la mise en scène. Donc je veux dire, il y a quand même beaucoup de moi-même dans Fille Indigne, dans ma façon de faire de la mise en scène, dans ma façon de découper le gag, dans les plans de vue qui bougent à peu près pas. Donc il y a quand même beaucoup ma touche, je dirais, dans Fille Indigne. C'est sûr que si Caroline m'arrivait en me disant « Bon, ben là, case 1, c'est un gros plan, elle fronce ses sourcils, elle dit ça. Case 2, OK, plan d'ensemble, contre-plongée de tel », ça serait comme « Ouais, bon, OK, ça serait plus une job d'exécution. » Alors que là, j'ai vraiment... Les scénarios qu'elle me donne, c'est vraiment que les dialogues. Donc, à la limite, elle va me dire « ben ça se passe dans la cuisine. » Mais outre ça, il n'y a pas d'autres informations, ou très peu, tu sais. Puis c'est ce qui me permet aussi d'ajouter plein de trucs, puis de même des trucs, des détails, ou bon, qu'elle elle avait pas envisagé, tu sais, mais que moi, je peux me permettre, là. Et je disais, à un moment donné, en fait, ça, c'était autour du premier tome, où quand tu avais reçu les textes, tu disais, ben les textes eux-mêmes étaient drôles, ça fonctionnait, ça aurait pu être édité comme tel, sans nécessairement avoir de dessin, et que le défi, ça a été de trouver à quoi allait servir le dessin, justement, dans le contexte de ces textes-là, qui auraient pu être autosuffisants aussi. Oui, ben c'est vrai, mais en même temps, là, surtout avec le tome 2, je me rends compte que je trouve que c'est quand même une série de strips qui marche assez bien, dans la mesure où moi les séries de strips que j'aime, c'est celles où ça part avec pas trop de personnages et l'univers se construit petit à petit. Il y a des personnages qui petit à petit justement prennent plus de place ou apparaissent, mais bon, tu sais, ça qu'on peut s'approprier, t'sais, comme lecteur rapidement. Oui, ben exactement, tu sais. Puis là, moi, c'est le plaisir que j'ai eu, je dirais, avec le tome 2, c'est de bonifier l'univers, tu sais. C'est d'apporter, c'est à un moment donné, Lily se fait un amoureux, puis j'avais très hâte d'arriver à ces planches là parce que justement, ça va être drôle là, d'apporter ce personnage là il va apporter quelque chose de nouveau là. Et toujours dans une dynamique, bon, dans certains cas sur une case, mais de manière générale, c'est dans une dynamique de quatre cases. Donc encore là, c'est toujours aussi le jeu de la contrainte, vers le gag, d'utiliser les pauses, les silences, mais dans un contexte où on a quatre cases, c'est ça le terrain de jeu qu'on doit rentabiliser, dans le fond. Oui, tout à fait. C'est une formule qui que j'aime bien, puis qui, c'est ça, qui marche bien. Oui, en fait, il peut paraître naturel, mais ça reste pas évident, à mon sens. Faut bien placer le silence, bien placer la phrase, bien placer le détail pour que ça marche, pour que amplifier justement le côté déjà drôle du truc, mais qu'on puisse l'amener un peu plus loin, même à travers justement le dessin. Oui, pas évident. C'est de la pratique, là, à un moment donné. Oui. Mais, en tout cas, pour moi, ça, je dirais, surtout pour le deuxième, ça a coulé de source un peu, là. C'est-à-dire que je voyais le gars, je disais, OK, oui, là, j'ai besoin d'une pause là et là, puis ça marche. Mais c'est ça, mais c'est que les gags déjà écrits sont drôles, tu sais. Donc, moi, ma job, c'est de m'assurer que ça reste drôle dans un premier temps, puis d'essayer d'en rajouter avec la mise en scène, mm-hmm. puis avec, justement, les pauses, puis les silences, là, avec le rythme, finalement. T'sais. M'assurer que le rythme est bon, c'est beaucoup ça, le travail, là, dans ce cas-ci. Là. Et est-ce que t'as un travail un peu de perfectionniste ou, OK, c'est mille fois sur le métier, on va refaire le détail, ou à un moment donné, il y a un certain laisser-aller aussi, OK, ça fonctionne, ça marche, on passe à une autre, on reviendra s'il faut, mais... Ah, je dirais qu'en général, mes premières impressions sont souvent les bonnes. Il y en a peut-être un que je me suis dit, ah non, lui... il marche pas, puis je les refais par après. Mais en général, comme j'aime pas tellement refaire des choses que j'ai déjà faites, j'essaie de m'arranger pour que ça soit la bonne chose du premier coup. Mais c'est vrai que quand vraiment ça me plaît pas, ben là, pas le choix, là, faut le refaire. Là. Et dans un contexte, on parlait d'approche minimale, ben justement d'utiliser les silences, les postures, les détails, ça seulement les yeux, des trucs comme ça, donc de jouer un peu avec ça. Est-ce que le fait justement d'aller avec... disons, l'essentiel dans les ingrédients que tu te donnes, mais ça te permet aussi de mieux gérer les ingrédients, de mieux les utiliser, si on peut dire. De gérer, excuse-moi, je peux dire. En fait, dans mesure où le cocktail que tu as à ta disponibilité, c'est plus minimaliste en termes de traits, mais le fait justement que est-ce que ce minimalisme-là te permet justement de mieux rentabiliser les éléments que tu as choisi de placer? Oui, parce que c'est... vu qu'il n'y a pas tant de choses que ça, ben il y a quand même, ça amène presque, je sais pas, j'aurais envie de dire que ça amène presque à l'efficacité immédiatement, tu sais. Quand tu sais que t'as pas trop d'éléments, ben tu peux te concentrer sur l'essentiel. Puis moi je trouve que l'essentiel dans ce cas-ci, c'est quand même souvent les expressions des personnages. Mm-hmm. Ou quand je veux que Lali soit en colère, ben faut vraiment que je m'arrange pour qu'elle ait une tête qu'il n'y ait pas de doute possible là, qu'elle soit en colère, tu sais, ou qu'elle est heureuse. Bon, fait que ce minimalisme-là, faut quand même qu'il soit précis, mm-hmm. pour bien rendre l'idée, tu sais. Donc, et puis bien diriger l'attention du lecteur aussi, qui, le focus est clair, puis... Oui. Ben c'est ça. Donc, ce qui fait que, tu sais, je peux pas dire que j'ai des décors très très évolués. Les personnages, ils portent tout le temps le même linge, mais le fait que justement que les postures puis que les expressions faciales soient évidentes, ben ça fait que la lecture a coule de source. Là. Oui, puis même qu'à la limite, s'il y en avait trop, on perdrait cet effet-là. À l'inverse, en fait. Ouais, ben ça, selon moi, là, tu sais, il y a une efficacité aussi. Là. Oui, probablement. Moi, c'est sûr que c'est ça le plus important, l'efficacité en humour. Si on parlait de la guerre des arts, pour moi, ce qui était c'était le dialogue qui faisait l'humour, mais aussi le rythme de la façon que j'alternais entre l'une ou l'autre des 10 cases, t'sais. Donc c'est vrai que mon travail, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup de mettre en scène de façon efficace un type d'humour, t'sais. Donc et on peut découvrir justement la résultante, évidemment, côté humour, avec les chroniques d'une fille indigne 2. Donc, découvrir cette mise en scène-là et la richesse, évidemment, des textes de Caroline Allard aussi, et la richesse de la mise en scène de Francis Desharnais. Et parallèlement, pour voir l'autre approche au niveau dessin, au niveau graphique, qui est en train de développer, ben il y a justement cette expo de dessin, cette expo de croquis du côté du théâtre Périscope, c'est jusqu'au 11 octobre prochain. D'ailleurs, ce soir, je vais être sur place de 19h30 à 20h avant le spectacle L'Éveil. Excellent, ben on lance l'invitation à aller justement poursuivre la discussion avec toi, Francis Desharnais. Merci beaucoup. Merci à toi. Et au plaisir. Et nous, ben on prend une courte respiration musicale, donc toujours avec cette formation Xynon. We'll be right back. écoutez toujours sur les ondes du 89.1 CKRL, Raymond Poirier avec vous. C'est La Vie en BD qui se poursuit. Avant de se lancer vers d'autres entrevues et discussions, je voulais attirer votre attention vers un petit ouvrage que j'ai reçu tout récemment, un ouvrage de Rémi Farnos du côté des éditeurs La Joie de Vivre. Ça s'appelle Alcibiade, une bande de dessinée qui m'a séduite dès les premières pages. Bon, qui, je passe tout de suite le côté négatif, qui s'essouffle peut-être un peu en deuxième moitié, mais reste que d'un point de vue visuel, c'est extrêmement plaisant à voir, à découvrir. Pour décrire, en fait, on ouvre, c'est toujours donc des planches avec 16 cases, donc quand même des petites illustrations, très minimalistes aussi, on en parlait tout à l'heure, on reste un peu dans cette veine-là. Et ce qui est intéressant, c'est le jeu que Farnos fait avec le sens de la lecture, donc à travers des dessins qui sont simples, qui sont riches dans cette simplicité-là. Eh bien, il nous fait suivre, exemple, dans la première case, un sentier, mais le sentier qui nous amène à jouer justement avec cette direction de lecture, dont des cases qui sont qui suivent sa route au fil du sentier, d'autres qui ne sont absolument pas dans le récit, mais une case qui est littéralement un décor dans un coin, et comme ça, on parcourt la planche, mais complètement dans un contexte hors de l'habitude là, de ce qu'on lit habituellement en bande dessinée. Dans le cas de la page suivante, on se retrouve à avoir un trajet qui nous amène dans un sens plus central dans l'intérieur de la planche, mais avec, dans le fond, plusieurs chemins. Et notre œil, dans le fond, cherche un peu justement le chemin qui est emprunté par le personnage. Donc, des éléments comme ça qui sont très intéressants, où finalement, ben la planche, dans sa globalité, nous représente, dans le fond, un paysage, un lieu, un ensemble. Donc, dans chaque case, on découvre finalement l'action qui est découpée, mais à l'intérieur d'un espace qui, lui, est à sa manière statique. Donc, ça donne quelque chose qui est vraiment intéressant à lire, surprenant, séduisant. Et l'histoire, en fait, essentiellement, c'est un voyage, une déambulation, une longue déambulation. Alcibiade qui décide un beau jour de partir pour aller connaître son destin, donc aller rencontrer un sage, et donc il va amorcer sa route et au fil de sa route, ben rencontrer différents personnages, différents individus, différents êtres. Et ces êtres-là qui vont forger l'être qu'il est en train de devenir. Alors, vraiment, en fait, c'est un jeu de détails, des pages qui sont minimalistes, certes, mais foisonnantes, avec des petits éléments. On pense à Alcibiade qui commence imberbe et qui, plus l'histoire avance, ben, prend en poil, prend en barbe, et la barbe devient blanche, mais c'est un personnage absolument minuscule. Alors, ça donne l'idée, en fait, du travail, du défi, un peu aussi, que s'est donné Rémi Farnos dans cette bande dessinée-là. Alors, vraiment, en fait, une BD que je vous incite, si vous avez l'occasion de la feuilleter en librairie, là, faites-le. Ça s'appelle Alcibiade, et je suis sûr que vous allez trouver ça esthétiquement, ma foi, fort plaisant et narrativement fort stimulant. Alors voilà, donc je rappelle, c'est Rémi Farnos, Alcibiade, chez La Joie de Vivre. Voilà, toujours des extraits à saveur 8 bits ici à La Vie en BD. On vient d'écouter un extrait de la formation Xynon avec leur album Moonlight Sympathy, un album qui est disponible du côté de l'étiquette Web 8-Bit People. Et maintenant avec nous, toujours en studio, eh bien, on a le plaisir d'être en compagnie de l'auteur BD Alain Dufour. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir, M. Poirier. Ça me fait plaisir. Et ben, Alain, en fait, ça a été une année quand même assez faste pour vous. Après quoi, si je me fie à la préface de La Fleur de Poésie, c'est après 18 ans d'absence dans l'univers de la BD. On revient en 2015, mais pas avec un album, avec deux albums dans le fond de publication de Haïku en BD à Fleur de Poésie, un journal de type blog, Carnet de vacances, c'était 2014. Donc, une bonne pause, mais une bonne année pour revenir aussi. Oui, tant qu'à repartir, je suis reparti en grand, je te dirais, j'ai travaillé fort, j'avais le goût, j'avais des choses à dire, puis... Alors, mes amis m'ont secondé aux éditions Moelle Graphique, mon ami Julien Poitras m'a encouragé, et puis les copinets copineaux sont des vieux copains. Je leur ai enseigné la BD à Beauport, il y a de ça, une dizaine d'années, à tour de rôle les deux. Alors, il y a une belle mouvance à Québec, ça me tentait de faire partie de la gang. Donc, revenez un peu à la BD par hasard, ou c'est vraiment un plongeon? C'est que j'ai toujours enseigné la bande dessinée depuis 1989. J'ai enseigné pendant 18 ans à Beauport, à l'atelier multi-art, et à partir de 2007, surtout dans les écoles primaires, je suis éducateur, moi, à la Commission scolaire des découvreurs, et j'anime aussi des ateliers BD. Et ça s'est produit un peu dans le cadre de À fleur de poésie, en tout cas. J'ai fait un atelier BD qui avait rapport à la poésie haïku. On a amalgamé la poésie avec la BD, le strip, avec M. Andrea Toutant, qui est l'auteur des textes d'À fleur de poésie. On a fait ça avec les enfants. Ça a été un peu notre laboratoire. Et on a vu que ça a bien fonctionné. Moi, j'avais fait mes devoirs. J'avais fait un strip démo. Et Andrea avait beaucoup aimé ça. Et à partir de là, ben, j'ai dit, Andrea, pourquoi on n'en ferait pas un livre? T'as une grosse banque de haïku. Hein? Alors, je vais m'essayer. On va voir ce que ça va donner. Et s'en est suivi À fleur de poésie après une année. Voilà. Et dans À fleur de poésie, les haïkus, je pense, une des descriptions sur lesquelles j'étais tombé, qui était faite par, je pense, M. Toutant, c'était l'idée d'une photo prise en mots. Mm-hmm. L'idée, j'imagine, dans ce contexte-là, c'est qu'au dessin, on choisit de représenter l'image qui est décrite de façon ludique, tant dans son côté réaliste que dans ce qu'elle va évoquer. Oui, ben c'est ça. Un haïku, c'est tu te promènes en forêt, tu te promènes, en fait, la nature... C'est la nature en soi, ça peut être les oiseaux, la faune, la flore, les astres, mais il faut les voir de vue, faut pas. C'est très autobiographique. Alors, lui, il part de ça. Moi, c'est une photo. Ce qui est facile, c'est que c'est trois vers, et puis le strip, ben, c'est en général entre une et quatre, cinq cases, alors il y a une belle similitude. Et il y a la coupure à la fin, la césure qu'on retrouve en grande partie dans le troisième vers du haïku. Et on le retrouve, on le punch qu'on appelle en bande dessinée dans le strip. Et c'était facile d'amalgamer tout ça. Moi, j'ai l'entière liberté, il m'envoie ses haïkus. Et puis j'arrive, j'essaie de m'imaginer ce qu'il a vu en forêt ou en sentier ou à la sortie de la maison, peu importe. Alors, c'est comme ça un peu que j'ai procédé pour transposer ça en image, en dessin. Oui, puis on y va avec quand même certaines évocations. Exemple, l'ombre du sapin, un dragon sur l'herbe. Ça, c'est le haïku. Donc, toi, tu y vas avec le côté, représenté réalistement, dans le fond, ce que lui a poétiquement évoqué. Donc, on y va avec, on dessine le dragon comme si, dans le fond, il était là pour vrai. Oui, t'as raison. J'ai fait l'ombre, mais il y a vraiment les traits du dragon dans l'ombre où si on le sent fatigué dans une autre ombre, ben je vais dessiner un vieillard. Le vieillard, c'est Andrea Toutant. Le personnage, en fait, c'est Monsieur Toutant. Moi, je m'amuse à l'appeler Monsieur de Toutant. Alors, c'est mon poète. Je me suis bien amusé à ça. Alors, c'est ça. Oui, les ombres ont l'air réelles. Mais en même temps, c'est assez imaginatif. Oui, c'est ça. C'est d'amener un peu le côté ludique là-dedans. Oui, t'as raison. Dans le fond, j'ai l'impression que chaque case, soit tu vas illustrer l'action, l'ambiance, soit le côté narratif, soit le côté expressif. Tout dépendant, j'imagine, aussi de ce que, dans le fond, ce haïku-là vous évoque, au bout du compte. Là. Exactement. C'est ce que je représente sur papier, c'est ce que je ressens. C'est vraiment... Mon interprétation du haïku, parfois Andrea, je lui montre mon dessin, puis il se serait pas vraiment imaginé ça, mais il est content de voir. La poésie, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu peux arriver avec ta propre façon de voir ce que l'auteur, ce que le poète va te raconter. Ça t'amène à bien des choses, puis comme je te dis, j'ai eu l'entière liberté de réaliser tous les dessins. Alors, des fois, c'est plus réaliste. Des fois, c'est carrément une photo. C'est juste une image. Parfois, il y a deux, trois cases avec une fin. Puis ça reste un bon défi, enfin, un peu comme M. Toutant, lui, dans ses mots, doit aller à l'essentiel, justement, en quelques mots. De ton côté, il y a quand même le défi dans une planche, dans une page, de pouvoir cadrer une ambiance, cadrer une narration, cadrer un contexte. Donc, faut aussi trouver une façon d'y aller à l'essentiel pour que ce qu'on ressent, ce que tu veux interpréter à travers ça passe bien, traverse bien. Effectivement, c'est la BD, en fait, il faut... parce que c'est une BD, c'est je traduis les trois vers dans mon dessin, même si c'est une case. C'est pas comme un livre en images où j'ai déjà vu des livres de haïku imagé où le dessinateur, l'illustrateur va illustrer qu'un seul des trois vers. Alors moi, dans ma BD, il faut vraiment qu'on voit l'essentiel du haïku, les trois vers, apparaître dans ma bande dessinée. Et puis, à la limite, en fait, si on enlève les mots, ben, qu'on puisse le comprendre quand même à travers l'image. Si on enlève l'image, qu'on puisse le comprendre à travers les mots. Je pense que oui. T'as raison. Je m'étais jamais, j'ai jamais pensé à ça. Oui. On peut, en enlevant l'un ou l'autre, arriver à quelque chose d'intéressant quand même. Là. Et en fait, on disait tantôt, c'est une expérience un peu scolaire au départ, en fait. Donc, l'idée de proposer justement, j'imagine, une forme brève à des jeunes, des amener à l'illustrer, ben, tu sais, il y a un côté instantané, puis un côté efficace aussi, qui amène quelque chose de formateur aussi, j'imagine. Oui, ben moi, je trouve que le strip, c'est une belle façon d'initier l'élève ou les enfants de 5 à 12 ans à la bande dessinée. C'est court. Puis, on sait très bien qu'une bande dessinée, ça prend énormément de temps à produire. Les enfants sont pas conscients de ça. Alors, lorsqu'on leur offre une BD de 3/4, ils s'aperçoivent qu'il y a quand même beaucoup de travail. On est arrivé à 2 heures d'atelier, puis on n'a pas encore terminé. Ils finissent ça par temps perdu, après les devoirs, etc. Alors, je trouve que c'est une belle forme, le strip, pour initier les jeunes à la bande. À la limite, un petit côté pédagogique aussi à Fleur de poésie? Oui, je pense que les deux, en baignant dans le milieu de l'éducation, ça se reflète évidemment. Et Andrea tenait à avoir une partie en annexe plus explicative, comment faire un haïku, etc. Je pense que ça plaît un peu à tout le monde parce que le haïku, c'est quand même pas toujours connu dans cette poésie-là. C'est de plus en plus connu, mais... C'est une belle introduction, je te dirais, pour comprendre, même si le dessin aide à la compréhension, comprendre la façon d'en faire des haïkus, hein, si tu veux. Et parallèlement, en fait, évidemment, ça, c'est à Fleur de poésie qui est disponible du côté de Moelle Graphique. Et Alain Dufour, vous avez aussi, on le mentionnait au départ, offert un carnet de vacances, format blog, donc qui raconte des anecdotes de votre été 2014. Donc là, on tombe dans le récit autobiographique, dans le blog BD. Est-ce que c'est des blogs que vous aviez produits au fil de l'été, au fil des pour le plaisir, ou que vous avez réalisé pour cette publication-là? Moi, là, ce que j'ai fait, c'est que mon idée de départ cet été-là, c'était de m'acheter des carnets et tout simplement illustrer mes journées. J'ai 2 mois de vacances, alors je me promène dans la province un petit peu partout, puis je voulais illustrer des beaux moments de vie, des beaux paysages, puis... Après une semaine, je me suis rendu compte que j'avais déjà des histoires à partir de ces images-là. Fait que je me suis ramassé avec trois petites histoires pendant mon été. Et j'avais pas ancré ces dessins-là, je les ai ancrés au cours de l'année. Et après le Salon du livre de 2015 et le Festival de la bande dessinée ensemble, qui vont ensemble. Alors j'ai proposé ça aux copinets Copineau. Et eux, ils ont apprécié ma démarche. Je leur ai dit, est-ce que ça vous tente de l'éditer? Parce que habituellement, ils éditent un collectif, mais pas des auteurs. Je pense que c'est leur première publication comme éditeur, en fait. Oui, en fait, c'est un peu un démo. Je parlerai pas un peu de leur projet futur. Je vais les laisser leur donner l'occasion de vous en parler. Mais ils travaillent fort pour se construire une maison d'édition. Et vous allez voir, là, ça va bouger dans la prochaine année. Et au niveau de ce que vous avez raconté dans ça, ça devient un peu un côté presque hommage à votre région natale aussi, le lac Saint-Jean. C'est vraiment un hommage. Je salue ma famille en passant. Ça fait un peu cliché, mais je les adore, les Dorés du Four au lac Saint-Jean. Oui, c'est un hommage à des gens très chaleureux que j'oublie pas, que je vais visiter 3-4 fois par année et l'été, évidemment. Et ça se reflète dans mon carnet de vacances. J'ai du plaisir à aller dans les microbrasseries là-bas. J'adore les bières de microbrasserie. Et c'est des endroits magnifiques pour les bières et visuellement aussi le lac Saint-Jean. Tout est beau. si j'avais envie de rendre hommage à mon père également. Vous allez voir, on parle un peu de mon père dans le blog. Là. Oui, puis c'est lancé en fait d'un ton très, très familier, un côté très anecdotique, et c'est un peu comme si, dans le fond, vous parliez directement au lecteur, comme si le lecteur lui-même, par défaut, le fait d'avoir pris le livre, était devenu un bon chum à qui vous racontiez une semaine de vacances, finalement. C'est peut-être mon côté Lac-Saint-Jean qui transparaît dans le carnet de vacances, mais... Mes inspirations pour Carnet de vacances, ça a été fait de façon très spontanée comparativement à la technique que j'emploie dans Fleurs de poésie où je double mes traits, ça prend un temps énorme. Tandis que dans Carnet de vacances, je me suis amusé à dessiner. C'était dans une ambiance de vacances alors très détendue. Et je me suis beaucoup influencé sur ma BD préférée de Lewis Trondheim, Les Petits Riens. Mm-hmm. Et qui est une bande un peu spontanée comme ça aussi. Les trucs des non-aventures de Jimmy Beaulieu. Auxquels vous faites référence, d'ailleurs. Auxquels je fais référence. Je me suis beaucoup influencé de ça. Et mon ami aussi, Benoît Joly, avec son livre Hiatus, là, qui décrit un petit peu aussi diverses bandes dessinées, ses préférences en bande dessinée. Ça m'a un peu guidé dans mon approche aussi. Oui, puis en fait, souvent les gens disent que l'avantage justement du format blog, du format un peu plus relâché au niveau graphique, où justement on se permet d'être peut-être un peu moins intense dans l'ancrage, dans certains éléments, mais que ça permet aussi de créer plus facilement, de proposer plus rapidement aussi des choses, sans nécessairement être pogné dans les longs délais de travail de production d'une BD classique. Oui, c'est ce que j'ai aimé et je vais en refaire d'autres parce que c'est plus relax. Techniquement, c'est vraiment... Ça amène beaucoup de créativité, effectivement. J'ai bien aimé cette approche. Et on parlait d'hommage, j'avais mentionné votre père aussi, justement. Est-ce que ça devenait important parce qu'on parlait de racines, au bout du compte, mais d'aller sur des terrains qui sont quand même aussi autant de l'anecdotique, mais aussi vers des trucs qui sont franchement plus personnels, plus intimes, là, si on peut dire. Oui, c'est autobiographique, mais c'est aussi un peu de fiction dans tout ça, là, ça s'est arrivé d'emblée en parlant du lac. En faisant la visite au lac Saint-Jean, ben mon père habitait au Québec longtemps, mais il est maintenant au lac, étant décédé. Il est au cimetière de Saint-Édouard en campagne, près de Robertval. Alors, c'est une destination que je fais quand je m'en vais au lac. Je peux pas faire autrement qu'aller saluer mon père. Et l'histoire se termine un peu comme ça. C'est drôle parce que c'est quand même c'est vraiment une ambiance de bonheur, ce livre-là. Ça parle de la mort, mais la mort fait partie de la vie. Alors ça m'empêche pas d'être heureux. Puis c'est ça. Je vais visiter mon père et ça me fait du bien. Et en terminant, Alain Dufour, on parlait d'un plongeon tantôt. Oui. Est-ce que vous restez dans la piscine? La bande dessinée, ça se poursuit de manière plus régulière ou on reprend une petite on retombe un peu dans le vide des ateliers, des cours et le reste? Encore des ateliers tout au long de l'année à l'école, ça, j'arrêterai pas, j'adore ça. Les enfants sont passionnés, sont passionnants. Je leur apprends des choses, ils m'en apprennent également plein d'affaires. Ils sont très créatifs, alors c'est très enrichissant pour un auteur de BD. Et je travaille présentement avec Andrea sur le second tome qui va s'appeler « Saison des louanges », qui va sortir au prochain festival de la bande dessinée. On a pratiquement un petit peu plus de la moitié de dessinés. Alors ça va super bien. Et voilà, et d'autres projets en vue. Évidemment, on peut découvrir donc ce que vous avez fait donc avec Andrea Toutain à Fleurs de poésie, c'est chez Moelle Graphique. Également, premier ouvrage édité par l'équipe de Copinet Copineau, Carnet de vacances, c'était 2014. Alain Dufour, merci. Merci infiniment. À la prochaine. À la prochaine. Bonjour. Alors, et nous, on repart en musique, toujours sur les ondes du 89.1. Et voilà le dernier extrait de Xynon. Et je vous rappelle que vous pouvez trouver les émissions de La Vie en BD en balado-diffusion sur lavieenbd.wordpress.com. Également pour voir mon blog personnel, c'est voir.ca/Raymond-Poirier. Et le retour de l'émission, le retour également de nos collaborateurs. Notamment, j'ai le plaisir d'avoir au micro avec moi Marco Duchesne. Bonjour. Hey, salut Raymond. Alors, ça va bien? Oui, merci. Oui. Je me suis ennuyé. Moi aussi. J'ai rien fait de l'été. J'attendais ton appel. Tristement. Assis sur mon sofa. Bon. Ou à lire en vitrine. Ouais, ou aller lire en vitrine. Car on peut le faire maintenant chez Pantoute. Et Marco, en fait, tu nous viens cette semaine avec, comme d'habitude, trois titres. On se lance immédiatement avec le premier. C'est le tome 2 de la série Tyler Cross. Le tome 1 est extraordinaire. Le tome 2 est-il aussi bon? Écoute, on était un million de personnes à attendre le d'ailleurs c'est un tome 2 qui nous arrive comme ça parce que l'album devait être unique vu le succès les deux auteurs se sont mis à faire une suite un nouvel épisode de ce malfrat qui est à leur crosse. Alors ça c'est sorti cette semaine mercredi. Et est-ce que ça sonne, on a fait un tome 2 parce que ça a pogné ou est-ce qu'il réussit ça? Écoute, je pense qu'il est encore meilleur que le premier parce que Nuri, le scénariste, maîtrise mais parfaitement le polar, le genre policier. Il rend hommage non seulement au polar au nouveau polar Donald Westlake, Jim Elroy, Jimmy Lee Burke, toute cette panoplie d'auteurs qui sont dans la nouvelle vague, mais aussi un peu à ces atmosphères de Chandler, Hammett, le polar classique de l'âge d'or des années 40 là. Et les répliques sont vraiment d'une grande précision, le scénario est ciselé. Tout au long, on nous amène des éléments au fur et à mesure de l'histoire et tout ça s'imbrique, mais à la perfection. Mais c'est le dessin de Bruno, la narration qui est encore plus vraiment fluide, mais qui il nous raconte là, mais c'est magistral. Écoute, et on sent la complicité, la fusion entre Nuri et Bruno. Dessin, histoire, la fusion se fait, mais parfaitement. C'est un moment d'extase. Mon Dieu, OK. Non, c'est vraiment, c'est la totale. Là. C'est oui. Meilleur que le premier, à la limite. Ah oui, oui. Dirait, ouais. Tyler Crost, en fait, grosso modo, Tyler Crost prend un coup, monte un coup, on vole des bijoux. Mm-hmm. Tout est censé bien se passer. Évidemment, toutefois, sinon, il n'y aurait pas de BD. Et se ramasse en prison à Angola, une prison de la Nouvelle-Orléans, je pense que c'est la Nouvelle-Orléans, la pire prison menée de main de fer, tout ça. Et là, on y retrouve Tyler Cross a un contrat sur sa tête, Tyler Cross veut s'évader. Bref, tout ça s'imbrique, la mafia y est mêlée. Bref, un petit moment de bonheur. Tu me donnes envie. Allez. J'ai pas encore lu en plus. C'est la référence est Tyler Cross, Angola. Il n'y a pas vraiment de numéro, c'est vraiment un épisode. C'est chez Dargo de Nuri et Bruno. Deuxième titre, Infinity Loop. Là, on assiste à... là, on a constaté maintenant, l'invasion super-héros. Oui, en fait, au cinéma, je pense qu'on n'en peut plus, là, sincèrement. Là, ben, en fait, les gens qui s'intéressent moins, évidemment, ça en peuvent plus. Mais alors, au niveau de la publication, tout ce qui était Dargo, Urban Comics le publiait en français, mm-hmm. Avec un peu d'indépendant, et Panini publiait du côté Marvel et quelques indépendants aussi. Mais toutes les autres maisons d'édition se sont mis à rechercher des comics américains à traduire et on y découvre des trucs vraiment intéressants. Entre autres, Glenna a créé Glenna Comics, mm-hmm. et publie des indépendants, des trucs vraiment intéressants comme Lazarus entre autres. Vraiment, c'est des trucs pas nécessairement de super-héros. Souvent, c'est des trucs d'espionnage, de trailer, de science-fiction et tout. Alors, et là émerge Glénat Comics, et ils ont un titre de deux auteurs français. Un homme et une femme qui publient un truc qui s'appelle Infinite Loop, tome 1, L'éveil, de Pierrick Collinet et Elsa Charretier. Le truc est un truc de science-fiction. Au niveau du look, ça, c'est très vintage, c'est très Linkler, c'est très rétro-futuriste comme approche, comme un peu la Linkler des années 60. Mm-hmm. Et ça raconte l'histoire dans une société du futur, les humains sont devenus un peu aseptisés, il n'y a plus vraiment d'émotions, d'amour et tout. Et on peut voyager dans le temps. Alors, on suit un personnage qui, elle, une femme, mm-hmm. voyage dans le temps pour corriger des erreurs que on se met des espèces de troubles faites qui voyagent dans le temps. Alors, et donc, on joue avec la temporalité, voilà. Avec les paradoxes, avec les référents. Elle élimine une table de chevet qui devait pas être au temps de Marie-Antoinette. Bref, elle voyage. Et un jour, elle corrige les anomalies. L'anomalie est humaine. C'est une jeune femme et qui, elle, a pas d'inhibition. Et elle va lui... notre personnage va tomber en amour avec et va essayer de la protéger. Alors, elles vont être en cavale à travers le temps. L'idée de ça, c'est à la lecture et au niveau narratif et visuel, c'est très joli. On joue beaucoup avec la page, le découpage et tout, qui rend la chose beaucoup plus... Le seul hic, c'est que les deux auteurs se sont donné comme mandat de vouloir rendre la BD pro-gay. Alors, il y a tout un document à la fin de l'histoire des comics gays à travers l'histoire depuis le début du 20e. Un peu dans la mouvance de prise de position des comics aussi. Et là, on nous raconte, alors, il y a une intro de deux pages où on nous raconte que, ah oui, là, il est temps, le temps. Et à l'histoire, ça paraît pas, là, ça passe numéro un, dans le sens que je pense qu'on en est rendu. Mais enfin, il n'y a pas de côté moralisateur. Non, c'est ça. Et je pense que ce qui alourdit le truc, c'est le document à la fin et la préface au début. Mais somme toute de ça, l'histoire est très jolie et très bonne. Alors, et c'est du comique français réussi. Quand les Français décident de faire du genre, c'est pas toujours réussi. Alors, je vous le recommande, c'est Infinity Loop, tome 1, L'éveil, chez Glénat Comics. Et en terminant, Marco Duchesne, nous reste un petit 2 minutes pour mentionner le tome 1 de la série Stern. 2 minutes pour vous dire que le western n'est pas mort. Les histoires de cowboys, il y en a encore en BD, dont celle-là, qui s'appelle... je vais retrouver une autre. Ah, Stern, tome 1. Le titre du tome 1 s'appelle Croque-mort, le clochard et l'assassin. C'est des frères Mafre, dont je me rappelle pas avoir vu des choses d'eux. Peut-être qu'ils ont passé... Frédéric et Julien, chez Dargaud. Alors, à la fin de... Un petit garçon qui a vu le massacre d'une ville par les sudistes pendant la guerre de sécession, 20 ans plus tard, est devenu croque-mort. Alors, dans sa petite ville, il se fait oublier, il ramasse les morts, il les enterre. Vraiment un petit village, là. Et un jour, un des notables du village meurt. Et là, commence une espèce d'enquête parce qu'il meurt assassiné. Et là, le croque-mort devient l'espèce de détective et tout son passé... Et à la fin, on apprend que son passé ressurgit des personnages qui croyaient avoir disparu et qui fuyaient, réapparaît. Et là, tout ça, somme toute, est un joli clin d'œil au film des frères Coen, entre autres True Grit, qui avait été une reprise de... Donc vraiment un retour à un western classique, voilà. Imagé, un côté ludique, mais en même temps qui embrasse les stéréotypes. C'est ça, et avec une pincée d'humour qui, moi, en fait, m'a pas vraiment déplu, là. J'ai vraiment aimé. Alors, si vous aimez les westerns tranquilles, je vous le recommande. Stern, tome 1, chez Dargaud. Ben, Marco Duchesne, merci beaucoup. Hey, merci. Puis on se dit à très bientôt. OK. Alors voilà, donc nous, c'est ce qui termine l'édition de cette semaine. La semaine prochaine, on va parler notamment d'humour et de liberté d'expression avec Mira Falardeau. On parle de la chope à bulles qui déménage à la Maison de la littérature avec Jeff, et également du spectacle Case est possible. Alors c'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous cette semaine. Passez une très bonne soirée sur les ondes du 89.1 CKRL.